C'est bizarre que Thomas ne soit pas encore arrivé. Ça m'étonne qu'il n'ait pas prévenu, ce n'est pas son style. Oui, moi aussi ça m'étonne. Je trouve très curieux. D'abord qu'il ait accepté l'invitation, ensuite qu'il ait confirmé la date et qu'il ne soit pas encore arrivé. Il est déjà 10 heures. Tu crois qu'il s'est trompé de jour ? Franchement, ça m'étonnerait qu'il se soit trompé de jour. Mais ça me semble bizarre qu'il n'ait pas encore téléphoné. Oui, j'ai essayé de le joindre mais ça ne marche pas. C'est vraiment curieux qu'il ait éteint son mobile. Il le laisse toujours allumé.